C'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie. Et le lundi et le mardi, le mercredi et le jeudi, le vendredi et le samedi et même le jour du Seigneur. C'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie. C'est triste le cancer, c'est triste le sida, c'est triste la grippe aviaire et triste le choléra. Oh, c'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie. Elle est triste cette chanson, ils sont tristes ces accords, elles sont tristes ces paroles, elle est triste cette guitare. Oui c'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie. C'est triste quand on baise, c'est triste quand on baise pas. C'est triste quand on baise à deux, c'est triste quand on baise à trois. Oh, c'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie. C'est triste de devoir trouver une acmé à cette chanson, alors je ne le ferai pas et puis tant pis pour moi. Oui c'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est très très triste la vie. Oh c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est triste la vie, très très très triste la vie. C'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, très très très très très très triste la vie. Oui c'est triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie. Oh c'est très triste la vie, c'est triste la vie, c'est triste la vie, oui c'est très triste la vie.